Bismillah, on va commencer inshallah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence maintenant notre cours numéro 21 dans l'explication de Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith de l'imam al-Sabouni avec le charh de Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Et donc, on est toujours dans l'explication d'un sujet important dans la aqidah des salafs, qui est l'affirmation de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, et l'explication des versets qui mentionnent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait qu'il est élevé au-dessus de son trône et au-dessus de sa création. Non. Donc, au dernier coup, on commençait à expliquer certains des versets, justement, qui clarifient ces aspects de la aqida. Et on a expliqué « Ilayhi yas'adu al-kalimu al-tayyibu wal-amalu al-salihu yarfa'u » Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans Surat Fatir que la bonne parole ainsi que les bonnes œuvres sont élevées. À lui. Et au dernier point qu'on expliquait, le cheikh il disait que c'est lui qui gère tout ce qui est dans la création et qui contrôle tout ce qui se passe dans la création. Et donc il expliquait le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit yudabbiru al-amr min as-sama'i ila al-ard. Yudabbiru al-amr, et c'est dans sourate As-Sajda le verset 5. Ensuite, on expliquait le verset, le cheikh il dit « وَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَىٰ عُلُوِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ كَذَلِكَ أَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ وَالسَّمَاءُ كُلُّ مَا عَلَىٰ يعني كل ما علاك فهو سماء ولذلك نجد في القرآن أنه يطلق على السحاب أنه سماء أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً السماء هنا بمعنى السحاب يعني أطلق عليه كلمة سماء لأنه في العلو والسماوات لعلوها قيل لها سماوات والله في السماء يعني في العلو يعني ففي هنا إن قلنا أنها للظرفية فالمراد أن الله تبارك وتعالى في العلو أو نقول إن في هنا بمعنى على لأن حروف الجر تتناوب فتأتي في بمعنى على أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم الذي على السماء ففي بمعنى على وإذا أبقيناها على بابها ظرفية يعني فالمراد بالسماء العلو أأمنتم من في السماء يعني من في العلو وهو الله تبارك وتعالى وهذا وعيد شديد للكفار والعصاة على كفر الكافرين ومعاصي العاصين كيف تأمنون الله رب العالمين ورب السماء والأرض الذي من عزته أنه في السماء لأن السماء والعلو فيها عظمة والسفول فيه خسة ودناءة ولهذا يقول الكفار يوم القيامة ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين وقال فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين المغلوبين الأذلاء فالسفول المعنوي والحسي فيه نقص أما العلو ففيه كمال فمن كماله سبحانه وعزته وعظمته أنه في السماء فالسماء والعلو فيه كمال والسفول فيه نقص فكيف نجعله في السفل يعني ننكر أن الله في العلو وأنه على العرش ثم نقول أنه في السفل يعني هل هذا تعظيم لله عز وجل؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Donc le Cheikh il explique ici un point important. يعني tous les points ici dans ce livre sont importants de toute façon. Donc il clarifie que parmi les preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus de son trône, il y a sa parole dans Sourate Al-Mulk, le verset 16, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie Yani, pensez-vous être en sécurité? Yani, en sécurité du fait que celui qui est dans les cieux, celui qui est dans les cieux, vous fasse engloutir et vous enfouisse dans la terre. Et voilà qu'elle tremble. Donc ici, le Cheikh il explique que en arabe, le terme sama, ça désigne tout ce qui est en hauteur. Tout ce qui est en hauteur et tout ce qui est au-dessus de nous, on peut le désigner par le terme sama en arabe. Amintum man fis sama. Et c'est pour cette raison qu'on trouve dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala parfois il appelle les nuages sama. Et il cite ici un verset comme le verset 60 dans sourate An-Naml. Amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum min as-sama'i ma'an. Il dit, c'est-à-dire, yani celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre pour vous du ciel une eau. Et on sait très bien que l'eau, elle ne descend pas du ciel, mais l'eau descend des nuages. D'accord? Et donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire par le ciel? C'est bien entendu les nuages. Et le Cheikh explique que quand on utilise le terme sama en arabe, eh bien, ça peut vouloir désigner tout ce qui est en hauteur, tout ce qui est au-dessus. Et on a appelé justement les cieux des cieux en arabe, samawat. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est élevé. C'est quelque chose qui est élevé. C'est pour ça qu'on l'appelle sama. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, on dit qu'il est fils sama. Qu'il est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est dans les hauteurs, qu'il est élevé. C'est ça que ça signifie quand on dit qu'il est dans les cieux. Et ici, le Cheikh, il dit qu'il y a deux façons de comprendre la lecture de ce verset-là. Quand on dit « fis sama », ça peut vouloir dire « fis sama » dans le sens qu'il est dans les hauteurs, « fis sama », c'est-à-dire qu'il est élevé. Ou si on prend parce que le terme « fi », ça peut vouloir dire également, comme on le sait en français, on le traduit souvent par dans, dans les cieux. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que lorsque on utilise un harf jar en arabe, eh bien, les ulama ils disent que huruful jar tatanawab, tatanawab. C'est-à-dire que certains des ulama ont expliqué que parmi les savants de la langue arabe, ils disent que les huruful jar, les articles qu'on appelle huruf al-jar en arabe comme fi, ala, bi et le ba et yani ces autres huruf, eh bien ils sont interchangeables, on peut les utiliser les uns dans le sens de l'autre. Et donc il y a beaucoup d'exemples dans le Coran à ce sujet-là. Par exemple, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَنُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. Ça, c'est un exemple que Cheikh Ibn Uthaymin, il mentionne, et Cheikh Al-Fawzan aussi, parfois, il le mentionne. C'est-à-dire, on va te crucifier sur un tronc d'arbre, ou un tronc de palmier, en voulant dire, quand on voit l'expression فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, ça voudrait dire dans le tronc, Alors qu'en réalité, on ne parle pas de crucifier la personne à l'intérieur du tronc lui-même, mais plutôt sur le tronc. Donc ici, c'est un exemple pour dire que parfois, on utilise un harf jar dans le sens d'un autre. Et donc, si c'est le cas, alors on voudrait dire ici, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Amintum man fis sama », ce serait plutôt dans le sens de « ala sama ». hein, sur les cieux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de la création. Mais si on le prend dans le sens de fi, en voulant dire d'un, eh bien à ce moment-là, as-sama, c'est dans le sens des hauteurs, de qu'est-ce qui est élevé, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est dans les hauteurs, c'est-à-dire en voulant dire qu'il est au-dessus de sa création. Donc ça c'est l'explication que le cheikh a donnée ici. Et il explique que le sens de ce verset-là, en fait, c'est une menace que Allah donne aux kuffars et aux pécheurs. En voulant dire que celui qui est dans la mécréance parmi les kuffars, qui Allah subhanahu wa ta'ala les menace par rapport à leur mécréance, et ceux qui font des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les menace par rapport à leur péché, en leur disant: comment pouvez-vous vous sentir en sécurité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est dans les hauteurs, hein? Et comment ne craignez-vous pas, hein, qu'il vous fasse engloutir par, hein, dans la terre, et qu'il vous avale dans la terre, qu'il fasse que la terre vous avale à cause de votre mécréance et à cause de vos péchés. Est-ce que vous ne craignez pas votre Créateur? Est-ce que vous ne craignez pas Allah? Et donc ici, le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne justement qu'il est, hein, au-dessus de sa création et qu'il est dans les cieux. Ici, c'est pour montrer sa puissance et sa grandeur. Pourquoi? Parce que le fait d'être haut et le fait d'être élevé, c'est un signe de grandeur. C'est un signe, hein, de force et de perfection. Tandis que lorsque quelque chose est décrit comme étant en bas ou rabaissé, eh bien ça c'est un signe de quelque chose qui a peu de valeur et qui est dénigré, hein, qui est rabaissé. Et donc l'élévation, c'est un signe de respect, de grandeur, tandis que le fait d'être bas ou d'être rabaissé, ça c'est quelque chose qui montre la bassesse et la faiblesse de quelque chose. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans certains versets, comme le verset 29 dans Sourate Fussilat, ce qui signifie, hein, les kuffars au jour de la résurrection, ils disent: oh notre Seigneur, montre-nous, hein, ceux d'entre les djinns et les hommes qui nous ont égarés, pour qu'on les place sous nos pieds, pour qu'ils soient parmi les plus bas, hein, pour qu'ils soient ceux qui sont rabaissés. Les yakuna min al-asfalin. Donc ici, on voit que le fait d'être en bas ou d'être abaissé, ça, c'est un signe d'humiliation, hein, et de faiblesse. Et tandis que le fait d'être élevé, c'est l'honneur et la force et la grandeur. Un autre verset que le cheikh a cité à ce sujet-là, c'est le verset dans Sourate As-Saffat. Dans Sourate As-Saffat, le verset 98. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: يعني فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. C'est-à-dire, ils ont voulu lui faire une ruse, hein? Alors nous les avons placés en dessous. Et nous les avons rabaissés. En parlant des kuffars. Et donc ici, ça indique que ceux qui ont été mis en dessous, c'est-à-dire qui ont été battus, écrasés et humiliés, eh bien c'est ceux qui étaient en bas. Donc le fait d'être en haut, c'est un signe d'honneur et de grandeur, et le fait d'être rabaissé ou d'être bas, c'est un signe d'humiliation et de honte et de, il y en a d'humiliation et de honte et de gêne. Ensuite, le cheikh explique que il y a donc le fait d'être bas de façon concrète et de façon abstraite, hein, ou symbolique. Et dans les deux sens, ça montre une faiblesse ou une imperfection ou une déficience ou quelque chose qui est, hein, qui est rabaissé ou qui est bas. Et au contraire de ça, il y a le fait d'être élevé, hein, et d'être haut. Alors, ça, c'est un signe de perfection. Hein, un signe de perfection. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de doute que, hein, il est parfait et qu'il est le plus grand et le plus fort et le tout-puissant. et par conséquent, il est élevé dans les cieux au-dessus de sa création. Et ça, c'est un signe de sa grandeur et de sa perfection. Et le fait d'être bas ou d'être abaissé, c'est un signe d'imperfection, et un signe de faiblesse. Alors, comment quelqu'un pourrait-il décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme étant bas, hein? Donc, c'est-à-dire, le cheikh, il dit, يعني ننكر أن الله في العلو. Donc, il dit, comment on pourrait nier que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création et au-dessus de son trône et dire qu'il est en bas, hein, ou qu'il est rabaissé? Ça, c'est inacceptable. Et personne ne pourrait dire une chose pareille à propos d'Allah. Où est-ce qu'il est le respect, hein, pour Allah si quelqu'un ose dire une chose pareille? Donc, que Allah soit exalté et élevé au-dessus de toutes, hein, ses faussetés et ses paroles et ses attributs que les gens de Bid'a veulent lui attribuer. Ensuite, le Cheikh, il dit, يقولون الله في كل مكان ولا يستحون وجرهم هذا إلى القول بوحدة الوجود القول بأنه في كل مكان يعني معناه أنه حال في كل شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فهم يزعمون أنهم ينزهون الله فوقعوا والعياذ بالله في شر العقائد وأخبثها فينزهون الله أن يكون في العلو وأن يكون فوق مخلوقاته جميعا وأن يكون فوق العرش وجعلوه في كل مكان والله لو كان ملكا والله لو كان ملكا على عرشه تقول له لا هذا المكان غلط ليس طيبا انزل تحت انزل يا ملك تحت يعني كن تحت أقدام الناس لكان هذا إهانة لكان هذا إهانة له فكيف بالله رب العالمين تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Donc le Cheikh, il dit que les gens de Bid'a parmi les Jahmiya et ceux qui les ont suivis, parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, hein, ces quatre groupes et d'autres également qui leur ressemblent comme les Ahbash, hein, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est partout. Dans tout endroit ou dans toute place, ils disent Allah est partout. Il y en a parmi eux qui disent qu'il est nulle part. Hein, mais les deux paroles sont équivalentes en réalité. Les deux paroles sont équivalentes puisque celui qui dit qu'il est partout, ça veut dire qu'il est mélangé à toute sa création. Et ça implique qu'il n'a pas d'identité distincte de sa création. C'est comme le cheikh, il le mentionne lui-même, ceux qui, justement, par le fait qu'ils ont mentionné ou qu'ils ont cru que Allah est partout, ça les a amenés à affirmer cette croyance de kufr qui est désignée par l'expression « wahdatul wujud », c'est-à-dire l'unicité de l'existence, le fait que tout ce qui existe, c'est Allah. Ils disent « tout ce qui existe, c'est Allah ». Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Et donc ça, ça les a amenés au kufr. Hein? D'accord? Donc, ça c'est un exemple. Ils disent ça et ils n'ont pas honte. Hein? Ils n'ont pas honte de dire ce genre de propos. Et ils disent qu'il est dans toutes les créatures. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ils disent qu'il est dans toutes ces créatures. Hein, qu'Allah soit exalté. Et donc ils prétendent qu'en disant ça, ils ont purifié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça quand tu parles avec des asha'ira, hein, ils disent ça. Ils disent il est partout. Ou bien ils disent il est nulle part. Les ahbash, eux, c'est ça qu'ils disent. Il est maujoudun bila makan. Ils disent sans endroit. Allah al-Musta'an. Et donc ça fait partie des bid'ah. Il y en a d'autres aussi parmi eux qui disent, quand ils parlent d'Allah, ils disent, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas en avant, il n'est pas en arrière, il n'est pas à l'intérieur du monde ou à l'intérieur de sa création, il n'est pas à l'extérieur de sa création. Alors dans ce cas-là, il n'existe pas. Hein? Dans ce cas-là, il n'existe pas, il est nulle part. Et qu'est-ce qui est nulle part? C'est le néant. Hein? C'est le néant, et ça le néant n'existe pas. Nasallallahu al-afiyah. Donc ils décrivent Allah par les caractéristiques du néant. Et ils ont peur de faire ressembler Allah à la création. Et donc, on voit que, hein, comme certains ulama ont dit, ils ont voulu éviter de faire ressembler Allah à sa création, alors qu'il n'y avait même pas de ressemblance de toute façon, et ils l'ont fait ressembler à ce qui est pire que sa création, c'est-à-dire le néant. L'absence d'existence. Allahul Musta'an. Donc ils sont tombés dans la croyance des athées. Donc ça c'est le résultat de celui qui s'éloigne de la croyance qui a été envoyée par les messagers et qui est affirmée par la révélation. Il tombe dans des contradictions comme ça. Et comme le cheikh il l'explique ici, il dit ça c'est une des pires croyances qui existent et des plus mauvaises parmi toutes les croyances qui existent. Et il s'imagine purifier Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de qu'est-ce qui est faux ou bien de qu'est-ce qui est yani une ressemblance avec sa création comme ils prétendent. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit qu'il est élevé ou qu'il est au-dessus de sa création, au-dessus de toutes ses créatures, au-dessus de son trône, hein, eux ils disent ça c'est pas quelque chose qui convient de décrire Allah de cette façon, c'est inacceptable pour eux d'attribuer ce genre d'attribut à Allah, alors que c'est Allah qui se l'est attribué à lui-même. Hein? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ces choses-là pour Allah. Et il connaît mieux Allah que quiconque. Et Allah subhanahu wa ta'ala se connaît mieux que quiconque. Hein? Puisqu'il est le Seigneur des mondes, l'omniscient. Personne ne connaît mieux Allah que lui-même. Et personne ne connaît mieux comment décrire Allah que Allah lui-même. Ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager ne peut dire à propos d'Allah que ce que Allah lui a révélé. Ala kulli hal, donc ces gens-là, yani, le cheikh, il donne un exemple pour montrer leur, hein, leur égarement. Ils ont dit, on ne peut pas dire que Allah est au-dessus de son trône. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit à la place? Soit qu'il est partout, ou bien ils ont dit qu'il est nulle part. Et ils pensent qu'en ayant dit ça, ils ont glorifie Allah, Allah al-Musta'an. Il dit n'importe quelle personne, il dit, si tu prends un roi par exemple, qui est assis sur son trône, un roi, un être humain, qui est assis sur son trône, et tu viens vers ce roi, puis tu lui dis, oh toi le roi, descends de ton trône, et place-toi en dessous des gens. Hein? Cette place-là, le trône, ça ne te convient pas. C'est une erreur pour toi d'être sur ce trône. C'est pas bon d'être sur le trône. Descends du trône et mets-toi en dessous des pieds des gens. Est-ce que ça ce serait pas une humiliation et un rabaissement pour ce roi? Alors si on peut dire que ça c'est un rabaissement pour un roi alors que c'est une créature, que dire de celui qui dit la même chose à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire qui dit non Allah, c'est pas correct pour toi d'être sur le trône ou de dire que tu es sur le trône. Et il faut pas dire ça. Hein? Oh Allah, il faut pas dire que tu es sur le trône parce que ça c'est hein, inadéquat. Hein? C'est pas approprié pour toi d'être sur ton trône. Hein? Il faut que tu dises que tu es partout ou bien que tu es nulle part ou des choses de ce genre. Vous constatez maintenant à quel point ces gens-là sont effrontés. Et à quel point ces gens-là n'ont pas de respect pour Allah. et à quel point ces gens-là n'ont pas de respect pour la révélation d'Allah, et à quel point ces gens-là n'ont pas de respect pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puisque celui qui a osé parler comme ça à Allah, même s'ils ne le disent pas directement ou explicitement, mais ils le disent dans son sens, c'est ça qu'ils disent en réalité. Ils sont en train de dire, « Oh Allah, tu ne sais pas comment te décrire toi-même, et tu ne sais pas comment parler de ta personne, et tu ne sais pas comment expliquer aux hommes la bonne croyance. Il ne faut pas dire que tu es sur le trône. Pourquoi tu as dit que tu étais sur le trône? Pourquoi tu as dit « Thumma stawa ala al-arsh » Pourquoi tu as dit « Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa » Il ne fallait pas dire ça. Il fallait dire « Fi kulli makan » A'udhu billah. Donc ça, c'est le pire des manques de respect que quelqu'un peut avoir envers le Créateur, d'essayer de vouloir lui donner des leçons, de lui montrer comment il doit expliquer aux hommes la croyance et comment ils doivent comprendre la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'ils parlent, c'est comme ça que les gens de Bid'a, ils parlent, même s'ils ne le disent pas explicitement, mais c'est ça qu'ils disent en réalité. Oui, c'est vraiment, comme on dit, c'est des gens qui n'ont pas de honte, qui n'ont pas de gêne. La sallallahu al-afiyah. Et le cheikh, il dit que ça, c'est un manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaqulu al-zalimun 'uluwan kabira. Le cheikh, il dit ensuite, « Thumma qala ba'da an awrada ayat al-mulk wa akhbar Allahu azza wa jal an fir'aun al-la'in annahu qala lihaman وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا يعني أنه كذب موسى أنه رسول الله أنه رسول من الله عز وجل ومن جملة ما كذبه فيه أن الله سبحانه وتعالى في السماء قال إني وإني لأظنه كاذبا هذا يدل على أن موسى كان يخبره أن ربه في السماء يقول له فرعون أن أنا ربك فأين ربك فيقول له موسى في السماء فيقول فرعون هات يا هامان ابن لي صرحا أي قصرا عظيما أصعد فيه إلى السماء ليبين كذب موسى وأظن أنه يكذب علينا ويقول إن له ربا في السماء حاشا موسى عليه السلام وحاشاه مما يتهمه به هذا اللعين فرعون وهذا يدل على أن موسى كان يخبره ويواجهه بأن رب هذا الكون في السماء ربك ورب هذه المخلوقات في السماء أي أن ربي كامل ليس مثلك في الأرض أنت عبد ضعيف ومسكين فالله سبحانه وتعالى لعزته وعظمته فوق هذا الكون فيدعوه إلى الهداية وإلى التزكية فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى وحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى والظاهر أن فرعون كان يعتقد أن الله في السماء ويعتقد قطعا أن موسى رسول من الله عز وجل ولهذا قال في شأنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فالناس بما فيهم فرعون مفطورون على أن الله في السماء ولهذا جحدوا بها من جملة ما جحد به فرعون وكذب فيه موسى إنكاره أن الله في السماء فيموه ويستخف عقول قومه ويقول أنا سأكذب لكم موسى يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى يعني إله موسى هو إلهك وإله الخلق أجمعين يا عدو الله يا سفيه الشاهد أن من الأدلة أن الله في السماء أن الله في العلو هذه الآية وأنها من الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام الذي أخبر فرعون أن ربه في السماء وأراد هذا الخسيس أن يكذبه فالجهمية وراث وراث فرعون في إنكار علو الله قال سبحانه وإنما قال ذلك لأنه وقال رحمه الله وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء هذا يؤخذ من الآية ألا ترى إلى يعني دليل أن موسى قد أخبر فرعون أن الله في السماء وعليكم السلام ورحمة الله قوله وإني لأظنه كاذبا يعني كاذبا في ماذا يعني في قوله إن الله في السماء إن في السماء إلها أي أن الله في السماء مما يدل على أن موسى كان يخبره أن الله في السماء فهذه الآية من أدلة علو الله تبارك وتعالى Donc ici le Cheikh il explique Il dit ensuite que parmi les preuves que le Cheikh a mentionnées au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, le verset dans Sourate Ghafir 36 et 37, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à propos de Pharaon, le maudit, qu'il a dit à son ministre Haman, il lui dit. Et Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et Pharaon dit, « Oh Haman, construis-moi une tour pour que je puisse atteindre les voies des cieux et que je puisse voir la divinité de Moussa, le dieu de Moussa, parce que je crois qu'il ment. » Et le Cheikh, il dit, donc il a démenti Moussa, Pharaon a démenti Moussa, le messager d'Allah, à propos du fait justement qu'il est le messager d'Allah, et parmi les choses également qu'il a démenti à propos de Moussa alayhi salam, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux, au-dessus de sa création. Et il dit, et je crois qu'il a menti à ce sujet. Pharaon, il dit, je crois que Moussa a menti à ce sujet, c'est-à-dire du fait qu'il a mentionné que son Seigneur est dans les cieux. Alors, le Cheikh, il dit que Pharaon a dit, je suis ton Seigneur. Où est-ce qu'il est ton Seigneur? Et Moussa, alayhi salam, lui a dit, fais sama, mon Seigneur, il est dans les cieux. Alors, Pharaon, avec son orgueil et son arrogance, il a dit, ah oui, toi tu penses que ton Seigneur, il est dans les cieux? Alors, dans ce cas-là, il a dit, dans ce cas-là, je demande à mon ministre, oh Haman, fais-moi construire une grande tour. Je vais aller jusque dans les cieux pour voir si ce que Moussa a dit, c'est vrai. Et moi, je pense qu'il ment. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire dans cette parole. Donc, ça, c'est la preuve que Moussa, alayhi salam, lui a mentionné le fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, est au-dessus des cieux, au-dessus de sa création. Donc ton Seigneur est le Seigneur de toutes les créatures, il est dans les cieux. Et c'est-à-dire, mon Seigneur est parfait. Il n'est pas comme toi sur terre. En parlant de Pharaon, il n'est pas comme toi. Toi, Pharaon, tu es un serviteur, un esclave, faible et pauvre. Tandis que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le Tout-Puissant, le Grand, Hein, il est au-dessus de cette création. Il y a beaucoup de dirigeants dans l'histoire de l'humanité qui, à un moment ou à un autre, se sont déclarés ou ont prétendu être une divinité. Hein? Même à l'époque, même on dit que César, hein, Jules César, à un moment donné, il s'était fait déclarer divinité. Hein? Et il appelait les gens à l'adorer. Donc, c'est des exemples de certains comme ça parmi les koufars, mais c'est parce que ces dirigeants vivaient parmi des populations qui étaient des mouchriquins. Et par conséquent, ces mouchriquins, eh bien, ils adoptaient ces croyances-là. Et ils acceptaient ces croyances-là parce qu'ils avaient la notion qu'un être humain peut être un dieu ou un animal peut être un dieu. Hein? Allahul Musta'an. Et donc, ils se mettaient à les adorer et à croire en leur divinité. Et cet exemple-là, c'est aussi un exemple de qu'est-ce qui est arrivé avec Yani Allah al-Musta'an, Pharaon. Les gens croyaient qu'il avait quelque chose de divin. Et on voit aussi même au Japon, hein, les empereurs japonais, ils croyaient qu'ils étaient les fils du soleil. Hein, et les gens les adoraient, la même chose. Il y a plein de peuples comme ça. À un moment donné, même Genghis Khan, hein, il disait que il était divin lui aussi. Toutes sortes d'exemples comme ça, on a dans différents peuples, dans différentes époques de l'histoire, des gens qui étaient des rois ou des grands hommes dirigeants puissants et qui ont dépassé la limite jusqu'à se prétendre être divins. Allahul Musta'an, et ça c'est un exemple ici avec Pharaon qui a dit Ana Rabbukum al-A'la. Hein? Et ça c'est dans Surat al-Nazi'at, et par conséquent, justement, le Cheikh il cite ces versets-là de 18 à 24. De 18 à 24 dans Surat. Hein? C'est al-Nazi'at. On avait lu ces versets-là au dernier cours, je crois. Donc, on va les relire quand même. C'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Puis, dis-lui, hein, va vers Pharaon, verset 17. Va vers Pharaon, vraiment il s'est rebellé. Puis, dis-lui, voudrais-tu te purifier? Hein, et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Il lui fit voir de très grands miracles. Mais il le qualifia de mensonge et désobéit. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment et rassembla les gens. Hein, il rassembla les gens et leur fit une proclamation et il leur dit, c'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. Hein, Allah al-Musta'an. Oui, non, ça se peut bien aussi qu'un des empereurs perses aussi qui s'était prétendu une divinité, et c'est pas seulement celui-là, même d'autres également, il y en a plusieurs dans l'histoire comme ça, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont osé même se prétendre des divinités. Et donc ici, ça c'est un exemple qui est mentionné dans le Coran, Allah al-Musta'an, et il y en a d'autres qui se disent pas être une divinité, mais qui se permettent, hein, de dépasser les limites d'Allah en se donnant des droits exclusifs. Parmi les droits exclusifs d'Allah, ils se les attribuent à eux-mêmes, comme par exemple le droit de légiférer. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, justement à propos des Juifs et des chrétiens, et il dit « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله » Ils ont pris leur rabbin et leur moine comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et quand Ali ibn Hatim a dit « Oh, messager d'Allah, on ne se prosternait pas à eux, hein, avant l'islam, parce que lui, il était chrétien avant. » Il a dit « Oh, messager d'Allah, avant j'étais chrétien et quand j'étais chrétien, je ne me prosternais pas aux prêtres et aux rabbins ou aux moines. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a clarifié que Non, c'est pas par le fait de se prosterner seulement que vous les adoriez et que vous les preniez comme des égaux avec Allah ou des seigneurs en dehors d'Allah, mais dans le fait justement de croire qu'ils ont le droit de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal et de les suivre dans ce qu'ils déforment de la religion d'Allah, à ce moment-là, en acceptant cela et en croyant en ce qu'ils font, eh bien vous les avez pris comme des Seigneur et des égaux en dehors d'Allah. Donc ça revient même, pas seulement à ceux qui le font au nom de la religion, comme par exemple les innovateurs qui légifèrent dans la religion d'Allah en prétendant que ils ont inventé des nouvelles adorations et que ça s'est permis pour eux, mais il y a aussi ceux qui le font au nom de la laïcité ou au nom d'un autre, de la démocratie, et qui vont dire par exemple: non, nous on légifère dans le Parlement et on ne dit pas que ce qu'on a légiféré c'est une loi divine ou que c'est Dieu qui l'a légiféré, mais on dit simplement que on a le droit de légiférer ce qu'on veut, que ce soit en accord avec ce que Allah a révélé ou non. Hein? Et donc, par conséquent, ces gens-là, ils se sont attribués un droit parmi les droits exclusifs d'Allah qui est de rendre halal ou de rendre haram. Et ça aussi, ça rentre dans le fait de donner à Allah des égaux et d'établir des seigneurs en dehors d'Allah. Donc ça, c'est du kufr aussi. Puis le cheikh, il dit, et qu'est-ce qui est apparent ici par rapport au verset qui est mentionné dans Surat Ghafir qu'on est en train d'expliquer, lorsque Pharaon, il demande à Haman de lui construire une tour pour voir si Allah est réellement dans les cieux, comme Moussa alayhi salam le dit, eh bien, on peut comprendre qu'en réalité, Pharaon croyait réellement que Allah subhanahu wa ta'ala était dans les cieux pour de vrai. Et il croyait réellement que Moussa alayhi salam est vraiment un messager d'Allah. Il faut savoir que la raison pourquoi les êtres humains rejettent la foi ou prétendent ne pas être croyants, ou disent, par exemple, qu'ils ne croient pas en Allah, c'est souvent l'orgueil et l'arrogance. Pas le fait qu'ils nient réellement ces choses-là au fond de leur cœur. Et la preuve ici, justement, à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 14 dans Surat An-Naml, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ont renié la vérité par injustice et par orgueil, alors que au fond de leur âme, ils étaient convaincus que c'était la vérité et que ces miracles qu'ils voyaient avec leurs deux yeux, c'est des miracles qui viennent d'Allah. Mais à cause de leur orgueil, ils refusent de l'accepter. Et même il y a un verset dans Surat Az-Zukhruf, yani subhanallah, qui montre justement leur hypocrisie. Justement, lorsque ils demandent à Moussa, alayhi salam, d'invoquer Allah pour eux, pour qu'il retire le châtiment qu'il a fait tomber sur eux. Et lorsque, justement, ils disent le verset 49 dans Surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ. Il l'appelle السَّاحِر, ô toi le sorcier, ô toi le magicien. Allah al-musta'an. Tu vois leur affront, leur insolence. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, toi le magicien, implore pour nous ton Seigneur au nom de l'engagement qu'il avait pris envers toi et nous suivrons le droit chemin. Il dit, puis quand nous eûmes écarté d'eux le châtiment, voilà qu'ils violèrent leur engagement. Donc c'était juste pour, ils savent que c'est, mais c'est l'orgueil, l'arrogance. Et ensuite, il s'est adressé à son peuple. Il dit: وَنَادَ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Et donc, il mentionne, il dit, et Pharaon fait une proclamation à son peuple. Il dit: Ô mon peuple, le royaume de l'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que les ruisseaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas? Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'il s'adressait à son peuple, avec son arrogance et sa fierté. Mais au fond de lui, il savait très bien que ce que Moussa alayhi salam disait, c'est la vérité. Et donc, le cheikh, il dit, et donc les êtres humains, pas seulement Pharaon, Pharaon y compris, mais tous les hommes sur terre, yani même ceux qui disent qu'ils sont athées et qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils ne croient pas en l'existence de Dieu, même ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés avec une fitra. Et cette fitra, c'est la nature saine, c'est l'islam qui est au fond de leur cœur, dans le sens que au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que Allah est unique et qu'il existe. Ça, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas rejeter, parce que c'est écrit au fond de son âme. C'est une réalité. Hein? Exactement. Est-ce que Iblis est capable de nier l'existence d'Allah? Iblis, il ne peut pas nier l'existence d'Allah, parce qu'il lui parle. Hein? Et il voit sa création, il voit ses anges. Il ne peut pas nier l'existence d'Allah. Donc comment il est devenu mécréant alors qu'il sait que Allah existe? Ça, c'est la preuve que le fait d'être mécréant, c'est pas seulement en niant son existence, hein, mais c'est plutôt en refusant de se soumettre à lui, ou par orgueil, ou par arrogance, ou par rejet de la vérité, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une preuve encore plus par rapport à ce sujet-là. Et l'être humain, il, non seulement il est créé avec, au fond de lui-même, la conviction que Allah existe, mais en même temps, il est convaincu que Allah est au-dessus de lui, au-dessus de la création. Et il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de Pharaon, وَجَحَدُوا بِهَا, ils ont renié cela, de la même manière qu'ils ont traité Moussa de mensonge, et qu'ils ont renié que Allah subhanahu wa ta'ala était au-dessus des cieux. Hein? Donc, il dit, فَيُمَوِّهُ وَيَسْتَخِفُ عُقُولَ قَوْمِهِ. C'est ça, il étourdit son peuple, et il joue avec leur esprit, et leur, hein, et leur, il joue avec leur sentiments et avec leur tête, en essayant de les manipuler. Et on voit justement cet exemple-là dans les versets que j'ai lus tout à l'heure, quand il s'adresse à son peuple, il dit, n'est-ce pas que c'est moi le roi de l'Égypte, le roi, hein, celui qui possède les ruisseaux, hein, et ainsi de suite. Et puis après, il dit, أَمْ أَنَا خَيْرٌ أَمْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِيدٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Pharaon, il dit à son peuple, il s'adresse à son peuple, il dit, ne suis-je pas meilleur que ce misérable, en parlant de Moussa alayhi salam, qui sait à peine s'exprimer, hein, il dit, Pharaon, il dit, est-ce que je ne suis pas meilleur que Moussa? Il ne sait même pas s'exprimer. Comme si le fait que s'il ne saurait pas s'exprimer, que ça voudrait dire que lui, il est meilleur que lui. Il dit, et pourquoi ne lui a-t-il pas, hein, ou pourquoi ne lui a-t-on pas lancé des bracelets d'or? Et pourquoi les anges ne l'ont pas accompagné? Donc c'est comme ça, les koufars, ils demandent toujours des miracles. Ils pensent que la richesse, c'est la preuve que quelqu'un est sur la vérité. Des bracelets d'or. Hein? Et après, il dit, ainsi cherchait-il à étourdir son peuple. Ainsi lui obéirent-ils, car ils étaient des gens pervers. Tu sais, des fois, les gens, ils critiquent toujours les dirigeants. Et ils disent, ah, les dirigeants, ils sont mauvais. Comme si le fait que, c'est toujours la faute du dirigeant, peu importe qu'est-ce qui arrive dans une population ou dans un pays ou dans un peuple, que c'est toujours la faute seulement du dirigeant et que c'est seulement le dirigeant qui est mauvais. Le peuple, lui, il est innocent, blanc comme neige. Il est immaculé, le peuple, hein? Il a aucun tort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici, il chercha à étourdir son peuple et lui obéir, car ils étaient des gens pervers. Le peuple était pervers. C'est pour ça que Allah leur avait donné un dirigeant pervers comme ça. Hein? Et souvent, les gens, ils ont le dirigeant qu'ils méritent. Hein? Et c'est la réalité. Les gens sont injustes envers eux-mêmes et sont injustes envers les uns envers les autres. Et après, ils espèrent avoir un dirigeant qui est juste envers eux. Ça c'est inconcevable. Effectivement. Donc c'est ça. Il y a des dirigeants qui mentent et des gens dans la population qui croient hein, leurs mensonges. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Mais tout ça pour dire que c'est pas tout le temps seulement la faute d'un dirigeant si les choses vont pas bien ou s'il y a des problèmes. Des fois c'est parfois le peuple a une plus grande responsabilité même que le peuple. Parce que si les gens sont pieux, si la population est vraiment pieuse et qu'elle est obéissante aux lois d'Allah, même si le dirigeant il est mauvais, hein, il ne pourra rien faire. Parce que les gens sont sur la droiture. En principe, dans le sens que si les gens sont droits, et c'est pour ça que les ulama, ils ont toujours encouragé les gens, quand on prêche l'islam et quand on enseigne l'islam, de concentrer sur le fait de leur enseigner la religion, le tawhid, de leur enseigner les règles de la religion pour qu'ils puissent être sur la droiture. Puis après, le fait que les gens se réforment, ça va faire en sorte que la société va se réformer. Mais il y a d'autres prêcheurs qui suivent des voies innovées et qui contredisent les exemples des prophètes qui, eux veulent essayer justement de s'attaquer aux dirigeants pour essayer de changer les choses tête en bas, comme on dit. Hein, par commencer par la fin. Ou commencer par... qu'est-ce qu'on peut pas changer en premier? Et c'est pour ça qu'ils tombent dans toutes sortes de contradictions par la suite. Ils contredisent la voix des prophètes, ils contredisent l'enseignement des prophètes, ils contredisent leur mode de da'wah, et ils tombent dans toutes sortes de problèmes par la suite à cause de ça. Donc, Moussa alayhi salam, son intention, c'était pas d'avoir le pouvoir ou de devenir le dirigeant d'Égypte, ou de prendre la place de Pharaon. Hein? Est-ce qu'il est venu voir Pharaon pour lui dire « Écoute Pharaon, donne-moi ton trône. Moi, je veux être le dirigeant ici. » Pas du tout. Hein? Au contraire, il disait à Pharaon « Laisse-moi partir. Laisse-moi partir, moi et mon peuple. On va te laisser l'Égypte. » Non. Exactement. Haroun Akhi. Pourquoi? Parce que Yanni, il disait, il est plus éloquent que moi dans son langage, il s'exprime mieux que moi. Alors envoie-le avec moi pour qu'il puisse me supporter dans ma mission. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec son frère. Donc tout ça c'est pour dire, Yanni, subhanallah, que la voie des messagers, c'est pas de chercher le pouvoir. Et j'ai entendu des fois des Ikhwan, parmi les gens du groupe des Ikhwan, quand ils expliquaient des choses qui avaient rapport avec l'Égypte dernièrement, quand il y avait des fitanes, et qui essayaient de montrer que soi-disant il y avait un conflit à l'époque de Pharaon avec Moussa alayhi salam. Et essayer de montrer l'histoire comme si c'était une bataille pour le pouvoir. Alors que ce n'est pas du tout ça. Hein? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais cherché à avoir le pouvoir de la Mecque pour être le chef de Quraysh. Ou bien Ibrahim, ou Moussa, ou Suleyman, ou Daoud. Hein? Malgré qu'eux, ils ont été des dirigeants rois. Mais ce n'est pas en faisant des coups d'État ou en faisant des renversements ou des attentats ou des choses de ce genre. Donc, ces groupes de Hezbollah aujourd'hui, ils déforment le message des messagers et ils déforment la da'wa hein, des prophètes. Et c'est pour ça que c'est important de les réfuter sur ces choses-là. Et Cheikh Rabi, il a écrit un super bon livre à ce sujet qui s'intitule Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. C'est-à-dire la méthodologie des prophètes dans la façon d'inviter à Allah. Et il a montré dans ce livre-là comment yani, les prophètes ont enseigné et appelé à la fois par opposition aux groupes contemporains qui sont apparus et qui ont justement contredit tous les exemples que les messagers ont amené par rapport à cette da'wa. Donc c'est un très très très bon livre et je sais qu'il a été traduit en anglais, par contre en français je ne suis pas certain, mais sinon mashallah c'est un très très bon livre. Ok, donc ensuite le cheikh il explique que qu'est-ce qu'on veut tirer de cet exemple et de ce verset. C'est que les preuves du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, au-dessus de sa création, sont très nombreux. Et ce verset à propos de l'histoire de Pharaon, lorsqu'il demande à Haman de lui faire une tour, que ça fait partie justement des preuves hein, qu'on peut ramener pour établir que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Puisque c'est la aqida des prophètes. Et parmi les prophètes, Moussa alayhi salam, et le fait que il avait informé Pharaon du fait que son Seigneur est au-dessus des cieux, hein, et celui-là, c'est-à-dire Pharaon, ce misérable a voulu le démentir, hein, et les Jahmiya sont donc en réalité des héritiers de Pharaon. Parce que, de la même manière que Pharaon avait nié le fait que Allah est au-dessus de sa création, eh bien les Jahmiya sont sur la même voie que lui. Allah al-Musta'an. Et le Cheikh il dit ensuite que l'imam As-Sabuni rahimahullah, il dit la raison pour laquelle Pharaon a dit hein, construis-moi une tour pour que je voie hein, la divinité de Moussa, car je crois qu'il a menti. Ça c'est la preuve que Moussa lui avait mentionné que son Seigneur était dans les cieux. Et donc le Cheikh il dit يعني وهذا يؤخذ من الآية. Donc on peut tirer ça de ce verset là comme preuve. Donc ça c'est une preuve par déduction, hein, par rapport au verset. Si on l'écoute, si on le lit comme il faut, on peut déduire ça clairement. Et il dit ne vois-tu pas, hein, c'est-à-dire la preuve que Moussa lui avait informé Pharaon que Allah est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, ne vois-tu pas que il dit et certes, je le vois comme étant un menteur, ou je crois qu'il est un menteur. Il dit, il le traite de menteur dans quoi? Justement dans le fait que il pense que Moussa alayhi salam a menti du fait que Allah est dans les cieux. Hein? Et donc, c'est la preuve qu'il l'avait informé à ce sujet-là. Et ça, c'est une preuve donc qu'Allah est au-dessus de sa création. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, par rapport à ce cours. Puis on verra par la suite, Yanni, combien de temps il nous reste, 30 minutes. Donc il ne nous reste pas trop de temps, je ne sais pas si on a le temps de faire un autre cours. Si vous voulez, au lieu de faire un autre cours, parce qu'on devait faire le livre de l'Amr bil Maruf, ou Nahyu anil Munkar, donc il ne reste pas beaucoup de temps. Donc qu'est-ce que je propose? C'est qu'au lieu de ça, on lise un autre paragraphe encore du livre qu'on est en train d'expliquer, juste pour rajouter un peu, pour combler le temps qui reste. Donc, le passage suivant dans les paroles de l'imam As-Sabuni, il dit « Wa ulama'ul umma, wa a'yanul a'imma, من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. Donc ici l'imam al-Sabouni, il mentionne que les ulama de la Ummah et les imams des salaf, que Allah leur fasse miséricorde, aucun d'entre eux n'a divergé sur le fait que Allah est sur son trône et que son trône est au-dessus des cieux. Donc ils affirment cela à Allah tel que Allah se l'est affirmé à lui-même. Et ils croient en cela, hein, et ils reconnaissent cela comme étant la vérité de la part de leur Seigneur dans ce qu'il a dit à son sujet. Et ils mentionnent et ils affirment tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit qu'il s'est élevé sur son trône. Et ils prennent les textes en question selon leur sens apparent. En ce qui concerne les détails du comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône, ça, ils s'en remettent à Allah à ce sujet, puisque le comment, nul ne le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, nous croyons en tout cela vient de notre Seigneur, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur, وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ et nul ne s'en souviendra que ceux qui détiennent la raison. Dans le verset 7 dans Sourate Al-Imran, ça c'est la signification. Et il dit ensuite, donc comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ça c'est les propos des gens qui sont fermement enracinés dans la science et que c'est ça leur témoignage, hein, ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Eh bien, nous disons cela, puisque Allah a été satisfait d'eux, hein, et il a fait leur éloge. Donc, nous répétons la même chose qu'eux, que tout cela nous y croyons, car cela vient de notre Seigneur. Et le Cheikh Rabi', il dit, ساق المؤلف رحمه الله هذه الآيات لإثبات علو الله وأنه على عرشه وأنه في السماء يعني في العلو ثم ذكر أن علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا يعني أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه وأنه فوق جميع مخلوقاته حتى جاء هذا الضال الجعد بن درهم وتابعه الجهم وأمثاله فخالفوا القرآن وخالفوا السنة وخالفوا العقول والفطر وخالفوا أئمة الإسلام في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته يعني في قضيتين الأولى أن الله تعالى على عرشه والثانية أن العرش فوق السماوات. Donc le Cheikh il dit que l'imam, le mu'allif, l'imam al-Sabouni, wa alaykum salam wa rahmatullah, l'imam al-Sabouni, rahimahullah, il mentionne que les versets au sujet de l'affirmation du fait que Allah est au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus de son trône et qu'il est dans les cieux, hein, eh bien, les versets à ce sujet-là, tous les ulama de la Ummah ainsi que les imams des salafs n'ont jamais divergé à ce sujet-là. Ils sont tous d'accord sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône et qu'il est au-dessus de toutes ses créatures. Jusqu'à ce que vienne cet égaré, c'est-à-dire celui qui a inventé, qui a ramené cette innovation et cette bid'a, hein, de nier les attributs d'Allah, et c'est-à-dire Al-Ja'd ibn Dirham. Le premier qui a nié que Allah est sur son trône, c'était un homme qui s'appelait Al-Ja'd ibn Dirham, et c'est lui qui a inventé cette bid'a. Et il a enseigné ça à un de ses adeptes qui s'appelait Al-Jahm ibn Safwan. Et étant donné que Jahm ibn Safwan, c'est celui qui l'a propagé, on l'a appelé cette secte Al-Jahmiyya, à cause de son nom, puisqu'il s'appelait Jahm ibn Safwan, donc Jahm, Jahmiyya. D'accord? Et alors que le vrai fondateur, c'était Ja'ad ibn Dirham. Ja'ad ibn Dirham, on ne l'a pas appelé Al-Ja'diyya. Pourquoi on ne l'a pas appelé Al-Ja'diyya? Parce que celui qui l'a vraiment propagé, c'était Jahm, c'était pas Ja'ad, malgré que c'est lui le fondateur. D'accord? Donc, Al-Jahm, c'est lui hein, qui l'a propagé, et ses semblables qui ont contredit le Coran et qui ont contredit la Sunna, et qui ont contredit la raison et la fitra, et qui ont contredit les imams de l'islam sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, et que son trône est au-dessus des cieux. Et donc ici, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que Allah est au-dessus de son trône, et le deuxième sujet, c'est que le trône est au-dessus des cieux. Donc ça, c'est deux sujets qui sont séparés, mais qui sont reliés, bien entendu, mais qui sont importants d'affirmer yani individuellement. Il dit « فَلَمْ يَخْتَلِفْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ فِي هَتَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ » Donc aucun des imams de l'islam n'ont divergé sur ces deux questions-là. « بَلْ يُثْبِتُونَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ » ويؤمنون به ويصدقون الرب جل وعلا في خبره بخلاف الجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال فإنهم لا يلتفتون إلى هذه الآيات بل يطعنون فيها يعني إذا خالف النقل العقل قدم العقل يعني يقدمون عقولهم الفاسدة الكاسدة على النقل الصحيح والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطر الصحيحة فيخالفون كل ذلك ويقدمون عقولهم الفاسدة الضالة على هذه الآية على هذه الأدلة العقلية والنقلية والفطرية يخالفون كل ذلك ويخالفون أئمة الإسلام وأعيان الأئمة وأعيان الأمة فأي ضلال يفوق هذا الضلال والعياذ بالله يعني تخالف العقول تخالف النقل تخالف الفطرة ضلال شديد والعياذ بالله كل هذا ما يردع الجهمية والمعتزلة والروافض والخوارج إلى يومنا هذا نعوذ بالله من الضلال فطريق السلف عندهم الإيمان والتصديق وإثبات الصفات الله على الوجه اللائق به فهذه العقيدة قائمة على الكتاب على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il dit le cheikh que les imams n'ont jamais divergé sur ces deux questions là comme on l'a dit, ils affirment plutôt que Allah subhanahu wa ta'ala يعني tout ce qu'il a affirmé il l'affirme et il croit en tout ce que leur Seigneur a affirmé et tout ce qu'il a dit comme information yani, par rapport à la religion. Et donc, contrairement aux Jahmiyyah et ceux qui ont été d'accord avec eux, parmi les gens de l'égarement, ils ne donnent aucune importance à ces versets-là, même qu'ils les renient, ils les attaquent, les textes de la religion. Parce que pour eux, ils prétendent qu'ils se basent sur leur raison et sur la logique. Ils disent non, ça c'est pas logique. Pas logique selon qui et selon la logique de qui? Alors ces gens-là, ils se basent sur leur logique à eux. Et leur logique, c'est quelle logique? La logique d'Aristote, la logique de Platon. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les attributs d'Allah et les versets qui parlent du Ghaib et ils essaient de les comprendre selon qu'est-ce que Platon a dit, et selon qu'est-ce que Aristote a dit, et selon qu'est-ce que les autres Grecs ont dit parmi les philosophes, et ils disent, ah, ça rentre pas dans la logique de ces philosophes, donc on le rejette. Ou bien on essaie de le réinterpréter pour que ce soit en accord avec qu'est-ce que ces philosophes-là ont dit. Et ça, c'est la base de leurs égarements. Et aujourd'hui, à notre époque, il y en a qui font parmi les musulmans la même chose que ces gens-là, sauf qu'ils ne le font plus au sujet des noms et des attributs d'Allah parce que ils n'ont plus d'intérêt même en ce qui concerne la foi en Allah. Ça les préoccupe même plus. La seule chose qui les préoccupe, c'est de pouvoir suivre leurs désirs et leurs passions. Alors quand ils trouvent dans le Coran ou dans la Sunna quelque chose qui contredit les lois qu'ils ont inventées aujourd'hui, ils disent, il faut réinterpréter le Coran, réinterpréter la Sunna pour que ce soit en accord avec ce que les hommes ont inventé comme loi à notre époque, au XXe siècle ou au XXIe siècle, parce que à notre époque, on est les hommes les plus évolués de l'histoire de l'humanité, et nos lois sont les meilleures lois que l'humanité a pu imaginer, et elles sont même supérieures à ce que Allah a révélé à ses messagers. Donc, qu'est-ce que Allah a révélé à ses messagers? Il faut le changer, parce que ça compte plus aujourd'hui. Nous, nos idées, nos lois sont supérieures, donc il faut effacer le Coran, effacer la Sunna, effacer toutes les révélations et mettre notre loi au-dessus. Ça, c'est leur croyance. Et parmi les munafiqim, parmi les gens qui se disent musulmans à notre époque et qui disent aux kuffars, oui, on est d'accord avec vous, on veut faire ça, on veut changer l'islam, parce qu'on n'est pas satisfait nous aussi, on a été convaincus par vos lois et vos systèmes, et finalement, on veut suivre qu'est-ce que vous avez inventé comme égarement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le Coran, ils disent, ah, il faut effacer ce verset, il faut effacer cette expression. Allah, il n'a pas bien expliqué. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ça ne s'applique pas à nos passions. On l'efface, on le rejette. Hein? Il y en a qui disent, il faut déclarer certains versets caducs. Hein? C'est-à-dire, il faut dire que certains versets, ça, c'est pas applicable. Ou que ça ne s'applique plus. Ou bien que ce n'est pas bon parce que c'est notre époque. À notre époque, on est plus évolué. Il dit, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, les gens, ils marchaient à dos d'âne, à dos de chameau. Hein? C'était des gens primitifs. Ils n'avaient pas des voitures comme nous. Ils n'avaient pas des avions comme nous. Ils n'avaient pas des ordinateurs. Ils n'avaient pas toutes sortes de technologies. Aujourd'hui, on a ça. On est plus intelligent. On est plus évolué. Hein? Donc, on n'a plus besoin du Coran et des hadiths maintenant. Alors, comment ça se fait que les gens vivent encore dans l'ignorance et dans l'égarement et dans les ténèbres et dans la perversité et dans le kofr et dans le shirk alors qu'ils sont si évolués selon eux? Comment ils peuvent vivre dans la noirceur et dans les ténèbres alors qu'ils prétendent être si évolués et d'avoir tellement de technologies, ils savent même plus quoi faire dans la vie? Les gens maintenant, ils ont même plus une vie réelle, ils vivent virtuellement. Ça veut dire qu'ils ont même plus de vie réelle, ces gens-là. Et puis, ils pensent qu'ils sont plus évolués que les messagers et les prophètes. Allahul Musta'an, à chaque année, combien d'entre eux qui se suicident? Et ils ont dit depuis le début des confinements, là, le nombre de suicides, il augmente. Les gens commencent à faire des maladies psychologiques. Est-ce que ça vient de l'enseignement des prophètes ou de l'enseignement de qu'est-ce que eux ils vivent? Comment eux, ils ont inventé le système que eux, ils ont créé? Ça vient de leurs enseignements, de leur système à eux, pas de l'enseignement des prophètes et des messagers. Donc ces gens-là, ils n'ont pas de gêne, ils n'ont pas de honte. Et donc ça, c'est des Jahmiyyah à notre époque. Hein? Ils ne s'attaquent plus au verset qui parle des attributs d'Allah, mais ils s'attaquent au verset qui parle des règles, de la charia et même de la foi. Hein? Allahul Musta'an. Et donc, c'est la même méthodologie que ces gens-là. La même méthodologie et la même égarement que ceux-là. D'accord? Allahul Musta'an, il faut les reconnaître. Et après, le cheikh, il dit donc que ces gens-là, ils contredisent donc la raison. Ils placent la raison au-dessus de la révélation. Et donc, quand ils voient une contradiction, ils disent, bon, là, il y a le verset, il y a le hadith. Et puis, il y a qu'est-ce que nous, on a comme logique, ou comme système, ou comme principe. Et on voit une contradiction entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on laisse tomber le verset, on laisse tomber le hadith. On n'a pas besoin de ça. On se base sur qu'est-ce qu'on a trouvé, nous, notre logique à nous, c'est plus important. Donc, ils prennent ça et ils laissent le hadith de côté, ils laissent le verset de côté. Et à propos de quoi? À propos des attributs d'Allah et des noms d'Allah et comment croire en Allah. Donc, ça, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus effronté que celui qui agit de cette manière? Hein? Et donc, ils contredisent la raison, la révélation, et ils contredisent également quoi? La fitra, hein, la nature saine sur laquelle Allah nous a créés. Allah al-Musta'an, tout ça ils le contredisent. Et ils contredisent en plus de ça, les imams de l'islam, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in tabi'in, les imams des madhahib, les imams du hadith et de la sunna. Donc est-ce qu'il y a un égarement plus grand que cet égarement-là, wal-iyadu billah? C'est-à-dire tu contredis la raison, la révélation, la fitra, wal-iyadu billah. Donc tout ça, ça devrait faire en sorte que les Jahmiya et les Mu'tazila et les Rawafid et les Khawarij, ils devraient cesser, ils devraient avoir honte, ils devraient arrêter. Na'udhu billah min ad-dalal, on demande à Allah de nous préserver de l'égarement. Donc le Cheikh il dit, on voit que le chemin des Salaf et la voie des Salaf, c'est de croire et de reconnaître la véracité de ce qui vient d'Allah et d'affirmer les attributs d'Allah tels qu'ils sont révélés, et de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette aqida, elle est basée sur les textes du Coran et sur les hadiths du messager sallallahu alayhi wa sallam. Non. Mais justement, il y a des ulama qui les combattent, ces gens-là. C'est clair. Et même Cheikh Rabia, il est vivant encore. Jusqu'à maintenant, il est encore vivant, rahimahullah, hafizahullah. Et il continue à les combattre. Et ça, c'est un des exemples de ce livre, justement, qu'il a écrit pour les réfuter. Pour les réfuter, ces gens-là. Et il y a plein d'autres, alhamdulillah, des grands imams de l'islam à notre époque qui continuent justement à clarifier la aqidah des salaf et à réfuter les sectes et à réfuter les groupes d'égarement comme celui-là, comme ce cheikh-là. Donc, il y en a d'autres. Oui, il y en a, alhamdulillah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. » Il y aura toujours un groupe de ma umma qui va être victorieux sur la vérité. Donc, jusqu'à la fin des temps, il y aura des gens qui vont être les défenseurs de la sunna et qui vont combattre tout ce qui est faux, tout ce qui est contraire à la religion. Et le cheikh, il dit ensuite, « وَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيُطْلِقُونَ مَا أَطْلَقَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ إِسْتِوَائِهِ عَلَى الْعَرْشِ وَيَمُرُّونَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ » يعني الأئمة متفقون على أن النصوص يجب أن تبقى على ظاهرها حتى يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهر فهل يوجد ما يصرف هذه النصوص عن ظاهرها لا يوجد أبدا بل بلغت الأدلة إلى ما لا يحصى فابن القيم رحمه الله ساق 50 حديثا فيها فيها الصحيح وفيها الضعيف تتضمن إثبات علو الله تعالى وذكر ما لا يقل عن 1000 دليل على أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق جميع خلقه مستو على عرشه سبحانه وتعالى كما أكدنا وكررنا أن العقول والفطر تدل على ذلك وخالف في ذلك هؤلاء السفهاء من أهل الضلال. Donc le cheikh il dit, et donc les imams des salaf, ils affirment ce que Allah a affirmé du fait que Allah est au-dessus de son trône, il s'est élevé sur son trône, et ils prennent ces textes-là selon leur sens apparent. Et donc les imams, ils sont tous d'accord sur ces textes, qu'il est obligatoire de les garder dans leur sens apparent. Et il dit, tu n'as pas le droit de faire sortir un texte du Coran et de la Sunna de son sens apparent, excepté s'il y a une preuve qui justifie de le faire sortir de ce sens-là, de ce sens apparent. Donc souvent vous allez voir, mais ça c'est une des shubuhat des gens d'aujourd'hui, on entend souvent ça. Ils disent, les salafistes sont des littéralistes. Ils disent, ils prennent l'essence littérale de la révélation. Or, les salafs, ils étaient toujours ceux qu'on appelle les gens qui prennent le sens apparent des textes. En commençant par les textes qui parlent de la révélation d'Allah et qui parlent de ses noms et de ses attributs et des textes de la religion en général. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé son livre pour qu'on y croit et pour qu'on suive qu'est-ce qu'il y a dedans comme guidance, dans son sens littéral, pas dans son sens symbolique ou allégorique ou abstrait ou je ne sais pas quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq ila akhirih » Oh, vous qui croyez, lorsque vous levez pour faire la salat, alors lavez-vous vos mains et vos visages et ainsi de suite. Est-ce que ça c'est allégorique? Est-ce que ça c'est symbolique? Est-ce que ça, certains, comme par exemple les Qaramita, les Ismaili, les gens de Bid'a, ils disent non, ça ne veut pas dire de se purifier avec de l'eau pour de vrai. Ça veut juste dire symboliquement tu dois te purifier ton corps ou je ne sais pas quoi. Ils interprètent les choses de façon allégorique, pas seulement les noms et les attributs, même les actes d'adoration. Ils disent la salat, ce n'est pas prier 5 fois par jour. Et le jeûne, ce n'est pas de ne pas manger ou pas boire. Ils l'interprètent selon leur passion. Hein? Ils jouent avec la religion. Donc, il y en a des gens qui ont dit, non, ça, c'est pas correct. Il ne faut pas faire ça. Mais au sujet des noms et des attributs d'Allah, ils se permettent de les déformer. Non, Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il dit qu'il a une main, ça ne veut pas dire la main. Ça veut dire la force. Et quand il dit qu'il a un visage, ça ne veut pas dire le visage, ça veut dire ça. Et quand il dit qu'il est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus, ça veut dire qu'il est ci et ça. Qui t'a dit ça? Et sur quoi tu te bases pour interpréter les versets qui parlent d'Allah et de ses attributs de la façon qui te plaît comme ça? Ça, c'est inacceptable. Et donc, la religion, on la prend dans son sens apparent. Si tu veux déformer, ou pas déformer, mais plutôt, si tu veux interpréter quelque chose et mentionner ou dire qu'une chose, ce n'est pas dans son sens apparent, il faut qu'il y ait une référence. Il faut qu'il y ait un verset qui le clarifie. Parce qu'il y a des versets qui expliquent d'autres versets. Ou bien un hadith qui explique le verset en question, qui prouve que le verset en question n'a pas le sens que toi tu comprends. Mais il faut une preuve pour ça. Tu ne peux pas l'inventer toi-même. Et donc c'est pour ça que tu vois certaines personnes qui disent « Oh, moi je prends le verset dans son sens apparent. » Et les ulama, ils ont expliqué que le sens apparent, ce n'est pas qu'est-ce que toi tu comprends en lisant un seul verset, mais c'est de prendre tous les versets qui parlent d'un même sujet et de les mettre ensemble et d'extraire de ces versets-là, ainsi que les hadiths qui parlent de ce sujet. Et après, une fois les avoir réunis, là tu vas comprendre qu'est-ce que ce sujet-là signifie. Mais ce n'est pas juste de prendre un verset tout seul qui parle de quelque chose et de laisser tous les autres versets et les hadiths qui parlent de cela sans tenir compte de ces versets-là et de baser juste sur un seul verset. Tu dis, ça c'est le sens apparent. Qui t'a dit que c'est le sens apparent? Ça c'est un seul verset tout seul. Il y a plein d'autres versets qui l'expliquent, ce verset-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 7, dans surat Al-Imran, il dit, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Donc les gens qui sont enracinés dans la science, ils prennent tout ce qui vient d'Allah, pas juste une partie. Ils prennent pas seulement les mutashabihat, les versets équivoques qui peuvent être interprétés de différentes façons. Non, ils prennent les muhkamat, et s'ils trouvent des mutashabihat, ils prennent les bases de la révélation, les livres qui sont explicites et qui ne peuvent avoir qu'une seule signification. Ils prennent ces versets-là comme étant la base. Puis quand il y a d'autres versets qui sont équivoques, qui peuvent avoir différentes interprétations, ils les ramènent à ces versets-là. Ils les ramènent aux muhkamat pour bien les comprendre. Et ça, c'est le travail des ulama. Et c'est pour ça que certains aujourd'hui qui disent « Ah, les khawarij, les takfiriens comme Daesh et Al-Qaïda, ils disent « Ah, ces gens-là, eux, c'est les littéralistes parce qu'ils prennent le sens littéral des versets. » Et donc, ils vont dans la rue puis ils tuent les gens. C'est ça que le Coran enseigne. Ou c'est ça, ils disent, ils prétendent que c'est ça le sens apparent des textes. Alors que si tu prends tous les versets qui parlent du djihad, tous les hadiths qui expliquent ces versets-là et les autres versets qui expliquent ces versets-là, tu vois clairement que c'est pas ça le sens apparent. Mais si tu prends un verset tout seul, puis que tu l'interprètes selon tes passions et tes désirs, puis que tu laisses tous les autres versets et les hadiths qui les expliquent, tu les mets de côté, alors là, tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire ce que... Hein? Tu vas faire n'importe quoi, tu vas faire des catastrophes. Mais les ulama de l'islam, ils n'ont jamais fait ça. Et ils n'ont jamais compris les versets et les hadiths de cette façon-là. C'est pour cette raison-là qu'on n'a jamais vu apparaître dans la Oumma des gens qui interprètent le Coran à la façon de ces gens-là depuis. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu des savants dire ça. Hein? Et je définis n'importe quel, parmi les koufars ou même parmi les islamologues ou je ne sais pas qui prétendent que c'est ça la compréhension des Khawarij, de Daesh ou de Al-Qaïda, qui prétendent que leur compréhension, c'est ça la vraie compréhension de l'islam, hein? Eh bien, je leur donne le défi de ramener un seul savant parmi les savants de l'histoire de l'islam qui a été en accord avec ce que ces gens-là prétendent et qui ont supporté ce que ces gens-là disent. Et même, tu regardes les savants d'aujourd'hui qui ont tous condamné ce que ces gens-là font. Il n'y en a aucun d'entre les ulama de l'islam qui ont approuvé de ce que ces gens-là faisaient aujourd'hui. Pourquoi? Hein? Est-ce que c'est parce qu'ils lisent un différent Coran ou des hadiths différents? Non. Mais c'est dans la méthodologie, dans la façon de comprendre les textes. Parce que les ulama qui se réfèrent à la compréhension des salafs, ils savent que la compréhension que ces gens-là ont, elle est en contradiction avec qu'est-ce que c'est la réalité des textes signifie. Leur méthodologie pour comprendre le Coran, elle est fausse. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à des conclusions aussi absurdes et terribles. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et puis, on va continuer au prochain cours, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته